tu m'aimais. Moi je crois bien que je survivrais si tu m'aimais. Si tu m'aimais. Moi je crois bien que je t'aimerais si ce n'est déjà fait. Si tu m'aimais. Moi je te chanterais des chansons que j'écrirais si tu m'aimais. Moi je te chanterais ton prénom même en anglais si tu m'aimais. Moi je t'offrirais des bouquets si tu m'aimais. Si tu m'aimais. De fleurs de papier parfumées pour faire plus vrai. Si tu m'aimais. Je me mettrais peut-être au sport si c'est pas fait. Si tu m'aimais. J'irais jusqu'à faire des efforts ou j'essaierais si tu m'aimais. Peut-être que tu me le dirais si tu m'aimais. Si tu m'aimais. Peut-être que je te croirais sans trop forcer. Si tu m'aimais. J'arrêterais de fumer sans arrêt, voire tout à fait. Si tu m'aimais. J'arrêterais de te le demander, promis, j'irais.